Épisode 6e, le môme à réglisse. Chapitre 2e, le crime en marche. Après l'aventure qui lui était arrivée au moulin de Kerjean, Diana Monty avait jugé utile de disparaître pendant quelque temps, afin, comme elle le disait, de voir venir les événements. Elle était allée se cacher dans un modeste hôtel des environs de Paris, où elle s'était fait inscrire sous un nom d'emprunt. Mais au bout de quelques jours, aucun événement fâcheux pour elle ne se produisant, et les deux exécuteurs de ses hautes œuvres, c'est-à-dire Crémar et le docteur Pope, lui ayant fait savoir que tout semblait assoupi, Diana, qui n'était pas femme à rester longtemps tranquille, avait promptement regagné la capitale. La terrible aventurière, en effet, n'avait pas renoncé à ses projets. Extrêmement opiniâtre et remarquablement intelligente, elle avait très bien saisi que désormais une lutte à mort était engagée entre elle et Judex. Froidement, elle avait pesé en même temps que les dangers qu'elle courait, les atouts qu'elle avait dans son jeu. Les dangers. D'abord, Judex, ennemi puissant, formidable même, et d'autant plus à redouter qu'il s'enveloppait d'un mystère qu'elle n'avait pas encore réussi à percer. Secondement, Jacqueline, qui, en admettant qu'on retrouvât et qu'on délivrât le banquier, pourrait d'un mot la démasquer et la perdre à tout jamais aux yeux de Favreau. Enfin, Morales, qui, par peur autant que par remords, allait maintenant faire cause commune avec son père et devenir à la fois contre elle un accusateur et un indicateur. Les atouts, le fait certain que Favreau était vivant et qu'il était entre les mains de Judex. Et enfin, par-dessus tout, sa volonté, pour vaincre, d'employer tous les moyens, même les plus effroyables, de ne se laisser intimider par personne, en un mot, de jouer la partie jusqu'au bout. Lutte féroce, lutte à mort, dont les millions du banquier demeuraient l'enjeu. Rien, désormais en face d'un pareil but, ne pouvait l'arrêter. Déjà, son cerveau diabolique avait imaginé un nouveau plan, encore plus infâme que ceux qu'elle avait déjà élaborés. Et sans doute, lui fournissait-il de fortes garanties, car bientôt un sourire d'ange déchu erra sur ses lèvres. Un éclair de triomphe cruel, implacable, illumina ses yeux profonds, et après avoir revêtu l'une de ses plus élégantes toilettes, elle se fit conduire à rue Milton, à l'agence Celeritas. De nouveau, le crime était en marche. Un matin, vers 10 heures, Diana Monty se présentait chez Coquentin. Le détective, dans l'ignorance complète non seulement du drame qui s'était déroulé au moulin tragique, mais encore de toutes les circonstances qui l'avaient suivi, accompagné et précédé, reçut avec d'autant plus d'amabilité l'ex-institutrice qu'il était incapable de résister à la fascination qu'exerçait sur lui toute jolie femme. « Eh bien, cher monsieur Coquentin, attaqua résolument l'aventurière, avez-vous découvert quelque chose qui nous mette sur la piste de Judex ?» À ces mots, le visage du détective se rembrunit. Ce nom de Judex avait en effet le don de le plonger dans les transes les plus effroyables, et même l'appât de la forte somme que les deux bandits lui avaient promise n'avait pas réussi à stimuler sans elle. « Chère madame, balbutia-t-il, dans ces sortes d'histoires, vous n'ignorez pas, » Diana interrompit aussitôt. « Cher monsieur Coquentin, vous n'avez pas besoin de m'en dire davantage. » Vous nous êtes occupé de rien. C'est-à-dire que, inutile de rien me cacher, je suis fixé. Eh bien, ce n'est pas gentil de votre part. Je dirais même que ce n'est pas délicat. Quand on a promis... À ces mots, Prosper redressa fièrement la tête, tout en lançant un coup d'œil vers le buste de Napoléon. « Madame, avant tout, je suis un honnête homme et toutes ces histoires me lassent. Vous savez pourtant bien... rappelait l'ex-institutrice, qu'il a 100 000 francs pour vous. Si nous découvrons Judex et si par lui nous retrouvons Favreau. 100 000 francs, c'est une somme. Mais mon honneur, ma conscience... Ni votre honneur, ni votre conscience n'ont à voir dans tout ceci, ripostait l'aventurière en enveloppant d'une de ses plus savantes œillades l'excellent Prosper qui avait cessé de regarder Napoléon. Voyons, réfléchissez. Qu'est-ce que nous vous demandons ? Nous aider à retrouver un homme arbitrairement séquestré. Qu'est-ce que vous risquez ? Absolument rien. Si ce n'est de gagner honnêtement 100 beaux billets de 1000, en accomplissant une bonne action, et en obligeant une femme, qui liée à vous par une reconnaissance infinie, n'aura plus rien à vous refuser. Madame, que me dites-vous là ? Monsieur Coquentin, vous me plaisez beaucoup, minaudait astucieusement Lamonti. Et il serait dommage que deux êtres comme nous, si bien faits pour s'entendre. On frappait malencontreusement à la porte. C'était le garçon du bureau qui apportait à Coquentin une carte de visite. Amaury de la Rochefontaine, s'écria Coquentin avec impatience. Dites-lui d'attendre, je le recevrai tout à l'heure. Amaury de la Rochefontaine, l'ancien fiancé de Jacqueline, se demandait l'aventurière. Que vient-il faire ici? Puis, tout haut, elle reprit, d'une voix caressante qui fit agréablement tressaillir le galant détective privé. Vous connaissez ce monsieur? Ne m'en parlez pas. Pourtant, c'est un homme très chic. Je ne vous dis pas. Très argenté. Détrompez-vous. Et devenant confiant jusqu'à l'indiscrétion la plus absolue, Coquentin, complètement affolé par le savant manège de son interlocutrice, laissa échapper. Il est fauché, royalement fauché. La preuve, c'est qu'il vient me demander si je ne lui ai pas trouvé un bailleur de fonds. À ces mots, Diana, comme prise d'une inspiration subite, s'est élevée. Monsieur Coquentin, lança-t-elle à brûle-pourpoint, laissez-moi recevoir monsieur de la Rochefontaine. Comment cela? Je suis à même de vous rendre à tous deux un grand service. Mais il n'y a pas de mais. Laissez-moi faire. Vous n'aurez pas à le regretter. Vous connaissez mon client? Questionnait Coquentin tout interloqué. Bien mieux que vous ne le connaissez vous-même. Je suis précisément à même de lui rendre le service qu'il vous demande. Il va de soi que la moitié de la commission sera pour vous. Cependant, voulez-vous les trois quarts? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh bien, pour la troisième fois, je vous le répète, laissez-moi faire. Vous êtes gentil, cédait le fantoche inflammable qui était le neveu du sieur Ribaudet. Mais, par exemple, veuillez donc passer dans une pièce voisine. C'est indispensable. Il le faut, mon cher ami, car vous voulez bien être mon ami. Vous êtes exquise. Et tout en conduisant elle-même Coquentin dans un cabinet de débarras attenant à son bureau, Lamonti ordonna « Entrez là et n'en sortez que quand je vous le dirai. Vous êtes divine, admirait Prosper, complètement subjugué. » Pour plus de précautions, Diana poussa le verrou qu'elle avait remarqué à la porte du cabinet, puis, comme chez elle, elle sonna le garçon et lui ordonna avec autorité « Faites entrer monsieur de la Rochefontaine. » En apercevant seul, dans le bureau de Coquentin, l'ex-institutrice des Sablons, Amaury eut un mouvement de vive surprise. Mais l'aventurière s'avançait vers lui, gracieuse, affable, souriante. « Cher monsieur, vous ne vous attendiez guère à me retrouver ici. Je l'avoue, mademoiselle. Croyez que je suis enchanté de vous revoir. Et moi de même. D'autant plus que je me préparais à vous écrire. » Et Diana, baissant la voix, ajouta « J'ai une communication très intéressante à vous faire. » Très à son aise, entièrement maîtresse d'elle-même, Lamonti continuait. « Voilà pourquoi j'ai demandé à mon cher ami Coquentin de nous laisser seuls. Veuillez donc vous asseoir, cher monsieur, et me prêter 5 minutes d'attention. La chose en vaut la peine. » Quelque peu méfiant et surtout très intrigué, Amaury obéit tout en se disant « Tenons-nous bien, car cette gaillarde doit être joliment forte. » Puis avec un ton de parfaite courtoisie, il reprit « Mademoiselle, croyez que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. » Tout d'abord, à votre parole d'honneur, que tout ceci restera entre nous. Amaury eut un signe d'acquiescement. Alors en femme, qui a pour principe d'aller droit au but, l'aventurière attaqua. Que répondriez-vous, monsieur de la Rochefontaine, à quelqu'un qui viendrait vous dire « Je viens de découvrir une mine d'or, voulez-vous l'exploiter avec moi ?» De plus en plus étonné, Amaury répliquait. Permettez-moi, mademoiselle, de trouver votre question quelque peu étrange. Allons, reprit Lamonti. Je vois qu'avec vous, il faut mettre tout de suite les points sur les i. » Et s'approchant d'Amaury, elle lui dit à voix basse, « Entre nous, n'est-ce pas? Tout à fait entre nous. Secret absolu. » « Oui, oui, c'est entendu. » Le banquier Favreau est vivant. « Vous dites ?» s'exclama M. de la Rochefontaine, incrédule. Avec un accent de sincérité qui le fit tressaillir, Marie Verdier poursuivit. « Je vais vous confier une chose terrible. J'ai acquis la preuve. » Comme vous pouvez acquérir vous-même que Favreau ne reposait plus dans son tombeau. C'est inouï. Favreau a été plongé dans un sommeil cataleptique, puis enlevé de son cercueil par un personnage mystérieux qui le tient en ce moment en son pouvoir. Quel est ce roman? Ce n'est pas un roman, c'est la réalité. J'en ai la certitude absolue, la preuve irréfutable. Écoutez-moi jusqu'au bout. Et Diana, après avoir mis au courant M. de la Rochefontaine de tout ce qu'il savait au sujet de Judex, conclut d'un air de triomphe. « Dites-moi maintenant si ce n'est pas une mine d'or que nous avons à exploiter ensemble ?» Encore un peu méfiant, M. de la Rochefontaine objectait. « Pourquoi, madame, ne l'exploitez-vous pas vous-même ? Parce que seul, je ne puis mener à bien une entreprise qui, je ne vous le cache pas, et vous vous en doutez bien vous-même, ne va pas sans danger. Or, je sais ce qu'il en coûte de se confier au premier venu, tandis qu'avec vous, je serai tranquille. Et voici pourquoi. La rupture de votre mariage avec la fille du banquier vous a replongé dans une situation plus qu'obérée. Excusez-moi de vous parler avec une aussi brutale franchise. J'aime mieux cela. À la bonne heure. Je vois que nous allons nous entendre. Ce ne sont point les quelques milliers de francs que vous procurera Cotentin qui pourront vous remettre d'aplomb. Je vous offre l'occasion inespérée de remettre la main sur une fortune énorme. Ne la laissez pas échapper. Marchons, au contraire, la main dans la main, unis étroitement dans la même pensée, dans le même but. Et je vous garantis qu'à nous deux, nous amènerons bien Judex à se démasquer et à nous rendre favreaux. Je joue avec vous, carte sur table, monsieur de la Rochefontaine. Non seulement je vous ai dévoilé mon secret, mais je ne vous ai rien caché de mes intentions. À vous de me répondre. » Amaury, qui maintenant avait compris la femme qu'il avait devant lui, fit avec un air de grand seigneur tout à fait détaché des choses d'ici-bas. « Permettez-moi maintenant, mademoiselle, de vous parler avec autant de franchise que vous m'avez parlé vous-même. Je vous en prie. Vous ne m'avez pas dissimulé que l'aventure en question n'irait pas pour vous comme pour moi sans de graves périls. C'est l'évidence même. Certes, je ne mets pas en doute le succès. Moi non plus. Mais alors, si vous... vous êtes sûr de toucher votre récompense. Qui me garantit un bénéfice dans cette affaire? Croyez-vous donc que Favreau ne sera pas trop heureux de payer sa liberté au prix de plusieurs millions? Vous ignorez donc ce qui s'est passé entre sa fille et moi. Je ne sais qu'une chose, rugit Diana, en laissant éclater sa haine, c'est que Jacqueline est ma plus mortelle ennemie. Si encore nous savions ce qu'elle est devenue, reprenait Amaury, je le sais, riposta farouchement l'aventurière, et je ne vous cacherai pas que pour moi, bien plus que pour vous, elle est un obstacle terrible à mes projets. Mais cet obstacle, j'ai le moyen de le supprimer, et je le supprimerai. » La Monty avait lancé cette phrase avec un accent tellement terrible qu'Amaury répliquait, effrayé, « Je suppose que vous n'allez pas me proposer de l'assassiner. Vous êtes fou, » ricana la maîtresse de Morales en haussant les épaules. Et avec la plus hypocrite des adresses, elle déclara « Voyons, est-ce que des gens comme nous se font assassins? Il y a cent autres façons de s'y prendre. Mais parlons plus bas, cet imbécile de Coquentin. Car c'est un imbécile, vous le savez aussi bien que moi, n'a pas besoin de connaître nos secrets. » Et se rapprochant tout à fait du gentilhomme ruiné qu'elle était en train de circonvenir si adroitement, la terrible créature se mit à lui parler à voix basse, achevant de briser les indécisions d'Amaury, l'enveloppant, le persuadant, le gagnant à sa cause, à force d'infernale audace, de séduction perverse, de fascination irrésistible. Puis, quand elle s'aperçut que de la Rochefontaine lui était acquis, elle reprit un peu plus haut. « Somme toute, ce que je vous propose est d'une exécution facile, et ne peut pas nous entraîner bien loin. » Et, comme vous me le dites, approuvait Amaury, repris d'une véritable soif de richesse. Ce sera une arme, avec laquelle nous tiendrons Judex aussi bien que Jacqueline. Je n'ai jamais voulu vous proposer autre chose, affirmait Diana avec un accent d'ingénuité, dont l'expression factice eût certainement inquiété tout esprit plus scrupuleux que celui de M. de la Rochefontaine. En ces conditions, accédait Amaury, l'affaire me semble acceptable. Alors nous sommes d'accord, fit l'aventurière, en fouillant de son regard celui de son futur complice. « Entièrement, » consentait le gentilhomme décavé, déclassé, amoral et sans scrupule, que si habilement l'aventurière venait de prendre dans ses filets. Et Diana conclut. « La réussite de notre plan dépend de sa prompte exécution. Il s'agit donc d'en réaliser immédiatement la première partie. Où vous êtes appelé à jouer le rôle que vous savez ?»« Parfaitement. » »« Donc, filons vite, le temps de délivrer Coquentin et en route. » Diana, dont les yeux brillaient d'une lueur de joie malsaine et cruelle, s'en fut pousser le verrou, et Coquentin apparut, légèrement congestionné et visiblement impatient de reconquérir sa liberté. sans lui donner le temps d'articuler un mot, la Monty s'écria sur le ton de la plus aimable volubilité. « Excusez-moi, cher monsieur Coquentin, de vous avoir fait attendre. Mais monsieur de la Rochefontaine et moi, nous avions des choses très importantes à nous dire. Inutile d'ajouter que nous nous sommes entendus à merveille. Nous allons faire une course très pressée, mais nous repasserons ici dans la soirée, ou demain matin au plus tard, pour en terminer avec vous. » Et foudroyant le détective d'un regard passionné, l'aventurier rajouta « Inutile de vous dire que je ne vous oublierai pas, cher ami, et que vous pouvez entièrement compter sur moi, plus que jamais, vous m'entendez, plus que jamais. » Puis s'adressant à monsieur de la Rochefontaine, elle fit, toujours souriante, « Venez, cher, à tout à l'heure, monsieur Coquentin. »« À tout à l'heure, » répliqua le directeur de l'agence Celeritas en se confondant en salutations empressées. Quel forfait inédit avait encore imaginé Diana Monty? Quel nouveau péril allait planer sur Jacqueline? En attendant, Coquentin, qui avait reconduit ses deux clients jusque dans l'antichambre, les regardait s'éloigner d'un air intrigué. « Drôle de femme, » se disait-il, « mais qu'elle est capiteuse. Si elle tient ses promesses, je crois, mon vieux Prosper, que tu ne seras pas à plaindre. » Galvanisé par ses espérances amoureuses, Coquentin retourna dans son bureau. Mais comme, suivant son habitude, ses yeux se dirigeaient vers le buste de Napoléon, il tressaillit. Il venait en effet d'avoir l'impression directe, immédiate, que son maître le regardait d'un air menaçant, et qu'il semblait lui dire « Coquentin, je ne suis pas content de toi ». Alors, devenu perplexe, il s'assit à son bureau et songea. Puis, au bout d'un moment, il murmura, envahi par une inquiétude mal définie « Je ferais peut-être bien de ne pas m'emballer. Cette femme maintenant me fait plutôt peur. Ah, mon oncle, pourquoi m'as-tu laissé ton agence en héritage ?»